Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur Radio Fadjet, l'instant présent, le rendez-vous mensuel consacré au développement personnel. Alors, lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tous les parents et les éducateurs, les émotions des enfants, comment les comprendre, les accompagner et aider nos petits à les gérer. Une émission que je vais co-animer avec Dorothée Lacroix, sophrologue et instructrice en méditation de pleine conscience. Bonjour Dorothée. Bonjour Jérôme. En pleine forme ? Oui, comme d'habitude. Parfait Dorothée, alors on se retrouve dans quelques instants pour ce nouveau numéro de l'Instant Présent. Alors les émotions sont un pilier de la relation parent-enfant, elles jouent un rôle fondamental dans le développement de l'enfant, elles influencent son apprentissage, ses relations sociales et son bien-être général. Or il est important de comprendre que les enfants ne sont pas encore capables de gérer seuls leurs émotions complexes en raison de l'immaturité de leur cerveau. Ainsi, chaque émotion exprimée par un enfant est en réalité une communication de ses besoins et de ses sentiments profonds. Par conséquent, comprendre et accompagner les émotions des enfants est donc essentiel pour favoriser leur croissance émotionnelle et leur permettre de devenir des adultes équilibrés. Voilà donc l'objectif de cette émission, vous aider à identifier et à gérer les émotions de vos enfants. Et pour en parler, bien évidemment, fidèle au poste de l'instant présent, Dorothée Lacroix, sophrologue. Alors Dorothée, nous allons dans un premier temps nous focaliser sur l'importance des émotions. Alors pourquoi est-il si important de s'intéresser aux émotions des enfants ? Eh bien, en fait, respecter les émotions d'un enfant, c'est lui permettre de sentir qui il est, de lui permettre aussi de prendre conscience de lui-même en tant qu'individu à part entière. Alors, en grandissant, les enfants font les expériences de la vie et pendant ces apprentissages, leurs émotions vont se manifester. Des émotions diverses et variées. Ils vivent alors des moments parfois de confiance, mais aussi de doute. Et ils peuvent aussi, à travers ces expériences, se sentir à la fois forts, parfois faibles, ressentir des difficultés et doivent donc gérer leurs émotions pour pouvoir faire face à ces expériences qui sont nouvelles pour eux. Alors justement, revenons sur une partie de ta réponse et préciser comment les émotions des enfants influencent-elles leur développement ? Eh bien, les émotions influencent le développement de l'enfant à plusieurs niveaux. Tout d'abord, on peut parler effectivement du développement cognitif, donc qui va concerner l'apprentissage et la mémoire. Par exemple, un enfant soutenu et en sécurité aura plus de facilité à assimiler de nouvelles connaissances ou bien aura plus de facilité à prendre des risques. Et à contrario, si on est dans le stress ou l'anxiété, eh bien, effectivement, ça peut venir perturber la concentration et donc limiter les capacités d'apprentissage. Donc ça, c'est pour le développement cognitif. Mais aussi, les émotions, elles jouent un rôle hyper important dans le développement relationnel et social. Puisqu'effectivement, grâce aux émotions, les enfants vont pouvoir interagir avec les autres et entre eux. Et puis, il y a aussi l'environnement émotionnel. Alors, l'environnement émotionnel, eh bien, ça va être l'environnement dans lequel l'enfant va grandir, qui va beaucoup influencer sa perception de lui-même. S'il reçoit du soutien, de l'affection et de la validation émotionnelle dans son environnement, il pourra être qui il est vraiment, se sentir reconnu. Et bien sûr, cela permettra qu'il développe une meilleure confiance en lui. Après avoir écouté tes propos, on comprend mieux pourquoi c'est important de tenir compte pour leur développement de ces émotions. Ouais. Et alors, quelles sont les émotions les plus courantes chez les enfants ? Alors, les enfants ressentent une large palette d'émotions, comme par exemple les plus connues, la joie, la peur, la tristesse, la fierté, le courage, l'amour, mais aussi la colère, celle qui souvent est difficile à gérer, la surprise et le dégoût. Cette palette, bien sûr, va évoluer avec l'âge. Puisqu'on l'a vu, plus les enfants font d'expériences, plus ils grandissent et plus ils découvrent des émotions. Et notamment à l'adolescence, l'enfant va découvrir des nouvelles émotions, par exemple comme la honte ou l'envie. Donc à travers ta description des principales émotions des enfants tout au long de leur croissance, on peut en conclure finalement que derrière chaque émotion, il y a un besoin exprimé par l'enfant. Oui, tout à fait. Toutes les émotions, même les plus désagréables, comme la peur, la tristesse, elles ont une utilité. C'est finalement un indicateur de notre ressenti face à une situation. Et à ton avis, Jérôme, qu'est-ce qui provoque la colère? Quel besoin? C'est souvent la frustration, je pense. Oui, tout à fait. La colère peut se manifester suite à une frustration, par exemple aussi un refus. On nous refuse de faire quelque chose qu'on a envie. Mais ça peut être aussi, la colère peut être suscitée par une injustice qu'on a perçue. Ouais. Alors, il y a aussi la tristesse. Alors, la tristesse, à ton avis, Jérôme? Là, je pense que c'est suite à une perte, par exemple. Oui, tout à fait. C'est la perte de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être aussi une frustration. On peut ressentir aussi de la tristesse et colère mélangées. Et puis aussi, derrière la tristesse, il y a le sentiment d'abandon. Ensuite, la peur. Alors, la peur, elle va se manifester face à l'inconnu ou la perception d'un danger. Et c'est important de réguler la peur de l'enfant parce que sinon, on risque de tomber dans une anxiété excessive. Alors, notamment vis-à-vis de l'école, peut-être. Oui, tout à fait. Surtout à ce niveau-là. Surtout à ce niveau-là, oui, tout à fait. Après, effectivement, plus l'enfant va développer une peur si elle n'est pas régulée, eh bien, plus on peut tomber dans une anxiété. Et là, c'est un souci parce qu'effectivement, ça peut aussi entraîner des troubles de l'attention parce que l'enfant est très centré sur ce qui lui pose de l'anxiété. Ce qui lui cause de l'anxiété, pardon. Alors, ensuite, on a la honte. Alors, la honte, ça va être plutôt quand l'enfant va se sentir jugé ou qu'il pense avoir fait une erreur. Et là, on voit bien l'influence des réseaux sociaux. Oui, carrément. Avec le harcèlement, quelquefois. Avec le harcèlement, le jugement, à fait. Et puis, on a la joie. Et la joie, c'est l'expression de la satisfaction, du plaisir. C'est satisfaisant, comme disent les jeunes. Voilà, au moins une émotion positive. Une émotion positive. Alors, dans l'introduction, j'ai évoqué le fait que les enfants ne sont pas encore capables d'identifier et de gérer seuls leurs émotions. Alors, comment les aider à les reconnaître? Faut-il, par exemple, utiliser des images d'émotions pour l'aider à identifier ce qu'ils ressentent? Eh oui, les images sont une bonne idée. Les émotions, alors d'abord, il faut savoir que les émotions ne sont pas toujours simples à identifier, même pour les adultes d'ailleurs. Depuis tout à l'heure, on parle des émotions principales et les plus connues, mais il y a aussi une multitude d'émotions. Les émotions, tout d'abord, elles vont se lire sur l'expression du visage. D'ailleurs, les expressions faciales nous permettent de communiquer et de faire preuve d'empathie dans nos relations. Alors, utiliser des images comme par exemple en servant de livres pour enfants comme média, c'est une grande aide, puisqu'à travers ces livres et l'histoire, l'enfant peut identifier les émotions des personnages et il peut aussi s'identifier au personnage et ainsi exprimer plus facilement ce qu'il ressent auprès de son parent. Le meilleur indicateur des émotions pour les identifier, c'est quand même les sensations du corps. Et donc là, on va prendre un temps calme avec l'enfant pour lui apprendre, alors notamment à travers la méditation, à ressentir ses sensations corporelles, à être à l'écoute de son corps. Et donc en séance, c'est ce que nous faisons avec les enfants, nous explorons toutes les émotions et nous attachons à observer comment ça fait dans le corps pour pouvoir identifier au plus juste l'émotion qu'il traverse. Pour vous donner un exemple, par exemple, quand l'enfant est en colère, eh bien, pour pouvoir réguler sa colère, il va apprendre à ressentir les sensations liées à celle-ci. Par exemple, les sourcils qui se froncent, les muscles qui se tendent, la bouche qui se resserre. Le fait que on ressente de la chaleur dans la poitrine, on devient tout rouge. Et puis on va leur demander et toi, qu'est-ce qui te met en colère? Comment ça se passe quand tu es en colère? Merci pour tous ces petits conseils. Alors, à quel âge les enfants commencent-ils à développer une compréhension, donc cette fois-ci plus complexe, de leurs émotions? Eh bien, en fait, pour reprendre un petit peu les informations, il est reconnu qu'à partir de 3 à 5 ans, l'enfant va pouvoir développer déjà une compréhension de ses émotions, mais ça peut varier d'un enfant à l'autre. Ensuite, vers l'âge de 6 à 8 ans, ils vont comprendre les émotions un peu plus complexes. Et c'est vers l'âge de 9 à 12 ans qu'ils vont devenir beaucoup plus aptes à réguler leurs émotions. Très bien, donc on va essayer de vous donner des conseils pour améliorer donc au quotidien donc les émotions de vos enfants, et c'est le thème que l'on va aborder donc de la deuxième partie de l'émission. Mais avant, on va faire une petite pause musicale en écoutant justement une chanson autour des émotions des enfants. Et Dorothée, quel a été ton choix? Alors, on va écouter la chanson du Corona Minus d'Aldebert. Ah bah d'Aldebert, qui parle souvent très très bien aux enfants, qui connaît un très très grand succès auprès des enfants. Alors, on écoute donc la chanson du Corona Minus. Avis à tous les terriens, le Corona Minus, un tout petit mais très dangereux virus extraterrestre, en provenance de Vénus, s'est posé sur la Terre. Et c'est à nous, petits et grands super-héros du quotidien, de nous défendre pour l'éliminer. Votre mission, si vous l'acceptez, est la suivante. Lavez-vous les deux mains, une demi-minute. En récré, prenez soin d'éviter les disputes. Respectez la distance avec tous les copains. D'un être dit la science, et puis tout ira bien. Vous soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood, prenez garde à toujours tousser dans votre coude. Évitez les balades dans les endroits bondés. Ne tombez pas malade, donc voilà une idée. Nom d'un petit pangolin, je sais pas ce qui me retient d'envoyer sur Vénus ce satané virus. Et nom d'une chauve-souris, mais quand va-t-il filer d'ici, déserter notre globe, satané microbe. La condition requise pour aller mieux demain, ne faites plus de bises, ne serrez pas de main. Mais pour être peinard, soyez mobilisés, jetez votre mouchoir une fois utilisé. À l'école ou à la maison, restez zen et candide, telle est votre mission et ce fichu Covid nous lâchera les baskets et nous crierons victoire. Partout sur la planète, on fêtera son départ. Nom d'un petit pangolin, je sais pas ce qui me retient d'envoyer sur Vénus ce satané virus. Et nom d'une chauve-souris, mais qu'en va-t-il filer d'ici, déserter notre globe, satané microbe, déserter notre globe, satané microbe. Voilà, c'était donc Corona Minus, la chanson des gestes barrières pour l'école, chantée par Aldebert. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Et oui, vous écoutez bien Radio Fadjet, c'est l'instant présent pour parler donc ce mois-ci avec Dorothée Lacroix, sophrologue, et bien donc des émotions des enfants. Alors, on a évoqué donc dans une première partie l'importance de reconnaître les émotions exprimées par les enfants. Alors justement, passons à la partie pratique. Dorothée, peux-tu nous donner des conseils pratiques pour gérer donc les émotions des enfants? Alors, oui, il y a des conseils, effectivement. Comme je le vois souvent en consultation, les parents sont souvent démunis face aux émotions de leur enfant ou adolescent. Surtout quand elles s'expriment avec une forte intensité. C'est ce qui les pousse à consulter. Alors, tout d'abord, petit message aux parents. C'est vrai que face à l'émotion que manifeste notre enfant ou adolescent, on est souvent mal à l'aise. Il faut en avoir conscience parce que, on ne sait pas comment faire forcément avec cette émotion. On n'a pas toujours non plus la disponibilité mentale à ce moment-là pour l'accueillir pleinement. Et puis aussi, parfois, voilà, quand c'est exprimé dans un endroit où il y a du monde, ça nous met encore plus mal à l'aise. Et puis aussi, on ne va pas se le cacher, hein, c'est toujours très difficile et désagréable de voir son enfant triste ou qui a peur ou qui est en colère. Donc déjà, c'est de se dire en tant que parent, voilà, mon enfant exprime une émotion, qu'est-ce que ça me renvoie à moi? Que voilà, je me sens mal à l'aise avec ça. Est-ce que j'ai la disponibilité pour l'accueillir et la gérer du mieux que je peux pour être à l'écoute? Et puis se dire aussi que c'est un moment finalement précieux, cette expression d'émotion dans la relation parent-enfant où l'on va oser se dire. C'est-à-dire que nommer ses émotions et son vécu dans ce moment-là, c'est aussi dépasser le silence des mots. Ça permet aussi déjà de désamorcer le malaise lié à l'émotion, que ce soit chez l'enfant ou aussi chez le parent. Et c'est vrai que bien souvent, quand on n'a pas cette disponibilité, on a tendance à minimiser ou à pas écouter pleinement. Et puis on se retrouve tous parfois à dire des phrases telles que « c'est pas grave, ne pleure pas, arrête de te mettre en colère ». Voilà, donc c'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport à ça, mais encore une fois, ne pas s'en vouloir. On n'a pas toujours la possibilité de sortir de l'automatisme et d'être disponible à ce moment-là pour accueillir pleinement les émotions. Mais tu as raison aussi, Dorothée, de dire qu'il faut être à l'écoute de ces enfants et des émotions qu'ils expriment. Oui. Et donc, question souvent récurrente des parents, mais comment aider mon enfant à gérer sa colère, mais sans crier ? Ah, ça c'est une question qui revient très très souvent. Eh bien, en fait, c'est d'écouter sa colère. Alors, même si parfois ça s'exprime, c'est pas dans le calme, clairement, ça peut être exprimé par des cris. Mais voilà, il faut quand même écouter cette expression de la colère et reconnaître qu'il est en colère. Et puis essayer de voir aussi si c'est un refus qui a créé une frustration, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'expression de la colère. Lui expliquer aussi pourquoi on lui refuse. C'est important aussi de donner du sens, de rappeler les règles de fonctionnement que l'on a mis en place avec son enfant. Et puis aussi, ce qui est intéressant dans la gestion de la colère, c'est aussi d'exprimer pour le parent ce que ça fait aussi de voir son enfant en colère. Qu'est-ce que cette situation provoque chez le parent ? Et toujours s'exprimer l'un et l'autre avec le « je » et pas le « tu ». Parce que le « tu », ça pourrait être une forme de reproche, mais de dire « voilà, je ressens ça ». Je suis en colère parce que, voilà. Ou on peut dire, je comprends que tu ne sois pas bien. Exactement, tout à fait. Et on peut aussi, alors ça c'est effectivement avec de la pratique et des techniques qu'on apprend, mais inviter l'enfant à prendre un temps pour aller se recentrer au calme, s'apaiser avec sa respiration, pour qu'il puisse vraiment reconnaître ce qui se passe en lui. Est-ce que c'est vraiment une colère ? Est-ce que c'est pas aussi une colère mélangée à une tristesse ou autre ? Et de pouvoir venir l'exprimer plus calmement par la suite. Donc tout ça, c'est vrai que c'est de la pratique par aussi des exercices de visualisation qu'on utilise beaucoup en sophrologie. Donc par exemple, on a le volcan, la tempête, le manteau de la colère que l'on apprend au cabinet avec les enfants et lors des ateliers aussi du haut parent-enfant. Oui, alors tu l'as parlé tout à l'heure de frustration. Je crois qu'il est important quand même que les enfants donc, puissent être quelquefois frustrés. Ah oui, on est bien d'accord. Parce qu'on est dans une nouvelle génération de parents qui ont tendance peut-être à ne pas vouloir trop frustrer les enfants. D'autant plus qu'on est dans des relations souvent de famille de séparation. Donc la maman qui se retrouve souvent seule avec ses enfants et qui veut leur faire plaisir. Mais ce n'est pas toujours la bonne solution. Non, parce que les enfants, tôt ou tard, apprennent la frustration, ne serait-ce que quand ils rentrent à l'école. Et puis surtout, c'est important aussi. La frustration fait partie de la vie. Et puis parfois, quand on évite la frustration chez l'enfant, c'est que quelque part on évite son émotion de la colère et peut-être que ça nous renvoie nous à notre malaise de pas savoir la gérer ou d'éviter ces situations de conflit. Ce qui est important aussi de faire la différence dans la colère, c'est que parfois elle peut s'exprimer de façon agressive, une agressivité physique ou une agressivité verbale. Mais ça, c'est plutôt le comportement qui est lié à la colère. Il faut dissocier les deux. C'est vrai que l'agressivité n'est pas autorisée, n'est pas permise. Par contre, ressentir une colère liée à une frustration, c'est tout à fait sain. Alors justement, comment les parents peuvent-ils créer un environnement favorable finalement à l'expression saine des émotions ? Eh bien, je dirais, ça semble facile à dire, on est bien d'accord, on a tous nos vies, les parents sont souvent très débordés, mais c'est d'essayer de créer autant qu'on peut une disponibilité, une présence et puis un espace d'expression et d'écoute active pour l'enfant. Alors l'écoute active, c'est une écoute, on va dire, en étant pleinement là. Donc ça pourrait vouloir dire que je suis là avec mon enfant et pas en même temps en train de faire des tâches ménagères ou être sur mon téléphone. Et en l'écoutant pleinement et en rebondissant sur ce qu'il dit, en posant des questions ouvertes en fait. C'est vrai que l'enfant a besoin qu'on lui accorde de l'attention et du temps. Et malheureusement avec nos vies à 100 à l'heure, cet espace d'expression a tendance à se rétrécir dans la relation parent-enfant. Plus le parent aussi fera part à son enfant des émotions qu'il traverse lui-même, et plus elles seront assimilées par l'enfant comme faisant partie de la vie et qu'il est aussi normal de les ressentir et de les exprimer. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à développer un environnement émotionnel plutôt favorable pour le développement de l'enfant, c'est-à-dire créer le besoin d'expression et cet espace. Et puis, il y a ensuite des petits exercices qu'on peut mettre en place à la maison. Alors ça, on les trouve un petit peu partout, hein, des exercices de météo intérieure. On se focalise, voilà, on invite l'enfant pardon, à se focaliser sur des sensations intérieures, la respiration. Et puis on va voir un petit peu quel temps il fait en soi. Il y a les techniques de respiration profonde, respiration avec le ventre, qui va permettre justement de réguler les émotions quand elles sont trop intenses, voilà, pour pouvoir eh bien, les digérer, les laisser passer du mieux qu'on peut. Alors plus on va être dans cette approche et plus l'enfant bien sûr va développer ses ressources intérieures pour les réguler en parfaite autonomie. Eh bien, merci Dorothée pour tous ces conseils pratiques qui vont permettre à ses parents donc, de pouvoir donc, mieux gérer donc, les enfants et notamment les émotions qu'ils vont exprimer. Alors après la donc, deuxième pause, on évoquera notamment des ouvrages qui évoquent justement donc, les émotions donc, des enfants. Et donc Dorothée, quel a été ton deuxième coup de cœur musical ? Alors moi j'aime beaucoup Lola Majeure de Zazie. Où dans cette chanson, elle chante la complexité des émotions liées à la parentalité. Eh bien, on écoute tout de suite donc Zazie, Lola Majeure. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Voilà, c'était Zazie, Lola Majeure. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est l'instant présent pour parler donc justement du développement personnel et on arrive à la dernière partie de cette émission consacrée aux émotions exprimées aux enfants. Alors Dorothée, on a parlé de la nécessité pour un adulte d'aider à identifier et à gérer les émotions de ses enfants, mais un enfant est-il capable de développer de l'empathie et à comprendre les émotions des autres, notamment lorsqu'il met à mal ses parents ou ses camarades par des propos désobligeants ? Oui, tout à fait. Un enfant dès l'âge entre 0 et 2 ans développe une empathie précoce. Par exemple, un bébé peut pleurer s'il voit ou entend un autre bébé pleurer. Et puis à 2 ans, bah, il commence à reconnaître les émotions des autres. Par exemple, si un camarade est triste, bah, il va lui prêter son jouet. Au fil des années, en grandissant, l'empathie se développe et devient plus mature. Mais ce développement de l'empathie, il est aussi clairement influencé par des facteurs comme l'environnement familial, les instructions sociales et les modèles adultes. Si on évolue dans un environnement où les adultes ont joué un rôle clé en montrant aux enfants comment reconnaître, exprimer et réguler les émotions, eh bien, ça aide beaucoup, effectivement, à être empathique aussi. Très bien, Dorothée. Alors, le temps passe très vite. Alors, pour terminer cette émission, moi, j'aime bien ces citations inspirantes qui font du bien. Alors, Dorothée, as-tu une citation, justement, sur les émotions des enfants pour laisser une note positive aux auditeurs ? Alors oui, moi, j'aime bien celle qu'a laissée Antoine de Saint-Exupéry dans la dédicace de son ouvrage Le Petit Prince. Elle est très connue. « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. » Alors bien sûr, il va nous inviter en tant qu'adultes et parents à aller retrouver son enfant intérieur et en prendre soin. Car effectivement, eh bien, toutes les émotions non exprimées peuvent s'enquister et vont conditionner l'adulte que nous devenons. Et moi, j'aime cette citation qui montre la nécessité d'être à l'écoute hein, de ses enfants. « Je te comprends hein, de vivre cette émotion, tu as le droit et tu es en sécurité ici hein, afin de montrer le rôle protecteur des parents. » Tu as souvent insisté sur ce point-là dans tes propos. Alors, pour terminer, quelques ouvrages pour prolonger cet entretien sur les émotions des enfants. Alors, je recommande toujours aux parents de lire l'ouvrage donc, de BD Psy. Les émotions de l'enfant, donc c'est une BD réalisée par une psychologue, Héloïse Junier, avec de très chouettes illustrations de Mademoiselle Caroline. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment ludique et très instructif, accessible à tout le monde. Et en fait, c'est très bien fait parce que ça nous fait découvrir le quotidien d'une famille sur une semaine, avec son lot de défis et d'émotions à gérer. Par exemple, la panique du départ pour l'école, les colères du tout-petit, les désaccords éducatifs avec les grands-parents, les pleurs stressantes du bébé. Voilà, vous avez toute une batterie d'émotions. Et puis, pour les plus petits, il est très chouette aussi, c'est « À l'intérieur de mes émotions » de Clotilde Perrin, chez Seuil Jeunesse. Et puis, il y en a plein d'autres, Gaston Lalicorne, je ne sais pas ce que tu disais quand tu étais plus jeune. Eh bien, moi, j'adorais, pour mes enfants, lire Grosse Colère. Je pense que tu connais, c'est une, ah BD, oui, une petite BD de Mireille donc, d'Alancé, mm-hmm, qui raconte l'histoire de Robert qui a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de très bonnes humeurs, d'autant plus que son papa l'a envoyé dans sa chambre. Et alors, Robert, tout d'un coup, sent une chose terrible qui tend à monter. Exactement. Il faut lire la suite. C'est très bien, vous lire ça avec ses enfants pour essayer de canaliser la colère, justement. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de meilleurs livres. Hein. Tous les livres se valent autour des émotions. Il y en a beaucoup qui se développent, qui sortent, qui se publient au fil des années. C'est à voir avec lequel son enfant accroche le mieux. Et toi, Dorothée, il me semble que tu animes des ateliers parents-enfants sur la régulation des émotions. Oui, tout à fait. Chaque mois, donc, c'est un partenariat avec le foyer rural de la ville de Bouxières-aux-Dames dans le cadre des espaces de vie sociale. Donc, on accueille effectivement plusieurs duos de parents-enfants à partir donc, de 5 ans, 7 ans. Et on travaille voilà, autour d'exercices de respiration, de visualisation, de façon très ludique, des temps d'expression aussi entre parents et enfants. Parce que finalement, tout ça, c'est finalement un travail d'équipe et en famille. Donc, tu nous rappelles, c'est la MJC ? Alors, c'est le foyer rural de Bouxières-aux-Dames. Et il y a un atelier aussi donc, qui est lancé à la MJC Jean Savine le samedi 15 mars prochain. Voilà. Très bien, ainsi se termine donc ce numéro donc de l'instant présent. N'oublions pas que chaque enfant est unique dans sa façon de vivre et d'exprimer ses émotions. L'essentiel est de créer un environnement bienveillant où il se sent en sécurité pour explorer et comprendre ce qu'il ressent. Alors si vous avez pris l'émission en cours, retrouvez-nous donc en replay sur donc le site de Radio Fadjet. On est présent donc tout ce mois. Et puis donc rendez-vous également le mois prochain pour aborder un nouveau thème autour du développement personnel. On se retrouve donc très prochainement, Dorothée. Oui, bien sûr, toujours. Eh bien, n'oubliez pas d'ici là de rester fidèle à Radio Fadjet.